Alors, du Colorado l'a emporté hier 2 à 1 contre les Canadiens de Montréal. Samuel Girard de Roberval a été blanchi, a joué pendant 19 minutes 38 secondes et a terminé le match à plus 2. La grosse nouvelle dans le monde du football ce matin, du football régional, c'est Alexandre Gagnon qui a signé une entente avec les Argonauts de Toronto de la Ligue canadienne de football. Gagnon qui avait été libéré par les Stampeders de Calgary à la fin du camp d'entraînement. Il a signé une entente avec les Argos lundi. On va tenter d'ailleurs de rejoindre Alexandre Gagnon de Dolbeau-Mistassini au cours des prochaines heures. Puisqu'il est question de football, les Genois d'Allemagne ont annoncé que Louis-Alexandre Bussière, un receveur de passe qui a joué l'an dernier à Saint-Félicien avec l'équipe de l'école secondaire de la polyvalente 80, a décidé de se commettre avec les Genois d'Allemagne. En entrevue hier sur les ondes de danseport.com, Jean-Philippe Caron-Tremblay était très content de l'acquisition de Louis-Alexandre Bussière. C'est sûr que Louis-Alex, dans son équipe, c'était vraiment le meilleur receveur, tant qu'à moi. C'est un receveur qui a des mains fiables, qui est compétitif, qui veut faire la différence à chaque match. Puis c'est un gars qui est en bonne forme physique aussi, donc c'est certain que pour nous, c'est une belle acquisition. OK. Pas de doute pour Jean-Philippe Caron-Tremblay que Louis-Alexandre Bussière a des chances de s'attaquer une place pour l'équipe des Genois l'an prochain. Avec notre équipe, mais on pense que c'est un gars qui peut faire sa place là, dès la première année. Nous, on est allé le voir jouer là, cette année, puis on a trouvé vraiment là, qu'il justement, il avait des bonnes mains, il était capable de faire des attrapés un peu controversés. Puis on pense qu'il va être capable de faire sa place là, dès cette année, là, d'être dans la rotation du moins. OK. Les Genois d'Allemagne ont de sérieux problèmes au poste de carrière puisque Jean-Philippe Cordero a décidé de se commettre avec l'Université Laval. Là-dessus, Jean-Philippe Caron-Tremblay mentionne qu'il y a des possibilités avec 4 carrières, dont 2 qu'il s'accorde de bonnes chances. Les qualifications en fin de semaine de judo en vue des Jeux du Québec. Le club de judo Albatros de Dolbeau-Mistassini a terminé au deuxième rang. Il a pris la deuxième place au niveau régional avec 17 médailles, soit 7 médailles d'or, 5 médailles d'argent et 5 médailles de bronze. Après la pause, on vous parle de Kevin Fortin-Simard qui a décidé de revenir à la compétition et des résultats de hockey dans les ligues simplettes. Le personnel et la direction de Dolbeau Oxygène souhaitent joyeux Noël et bonne année à sa clientèle et vous remercie pour la confiance témoignée pendant la dernière année. Dolbeau Oxygène se spécialise depuis 1936 dans la fabrication d'équipements industriels. Dolbeau Oxygène, situé au 303 8e avenue Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-0555 ou encore sur notre site web au www.do2.ca. La direction et le personnel du restaurant Midas vous souhaitent de joyeuses fêtes. Paix, santé et bonheur sont les vœux du propriétaire, M. Danny Potvin, qui vous invite à venir goûter son nouveau poulet frit qui fera le délice de tous. Le restaurant Midas est situé au 1084 route 169 Saint-Félicien, au numéro de téléphone 418-679-0900. En ce moment de... Ici Marie-Claude Tremblay, directrice générale de la Caisse des Jardins du Nord du Lac-Saint-Jean. Et Luc Girard, directeur général de la Caisse populaire des Jardins et Plaines Boréal. Nous profitons de cette période de réjouissance pour vous remercier chaleureusement de la confiance que vous nous témoignez. Au nom des dirigeants et du personnel de nos deux caisses, meilleurs vœux de bonheur, santé et de prospérité pour la nouvelle année. Et qu'elle vous permette la réalisation de vos vœux les plus chers. À tous, joyeuses fêtes! Le propriétaire du restaurant Subway de Dolbeau-Mistassini, M. Luc Bélanger, et toute son équipe profitent de l'occasion pour souhaiter à sa distinguée clientèle un très joyeux Noël et une bonne année. Et le remercie de leur encouragement pendant l'année qui se termine. Amusez-vous bien et soyez prudents. Ce sont les souhaits du restaurant Subway situé au 1801 à Dolbeau-Mistassini au numéro de téléphone 418-276-6848. On est de retour à Donner. À l'occasion du temps des fêtes, nos pensées se tournent avec reconnaissance vers ceux et celles qui font notre succès et tout le personnel et la direction de LCR Vêtements Chaussures souhaitent de très joyeuses fêtes à la population ainsi qu'à sa clientèle. Merci de votre support pour l'année qui se termine. LCR Chaussures et Vêtements, au 1463 Boulevard Walbrook, Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-9595 ou variétélcr.ca. Retour à danradiosport.com et dans la section entrevue de danradiosport.com, hier on a parlé avec Kevin Fortin-Simard, le golfeur natif de Saint-Prime, qui a décidé de faire un retour au jeu à la compétition au golf. Il va tenter de se qualifier sur le circuit PGA Canada